بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 93 93e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى. C'est toujours relatif à ce qui a suivi concernant les insultes envers la religion, envers le messager, envers Allah Azza wa Jal. Mais là, il y a des fawaïd en plus et des détails en plus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم حفظكم الله في بعض دروسكم أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه يكفر ولو توبة ولكن مع القتل أخذا بثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بثار أصحابه رضي الله عنهم. فإذا كان هذا شاتم في زمن غفلة ومعصية ولكن لا يزال مسلما فهل يطبق عليه حكم قتل بعد أن تاب أو أناب وندم على ما فعل كما أن الحال مع الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه وقصة شتمه للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة نرجو التوضيح والله يحفظكم. Donc là il est interrogé au sujet du fait que dans ses durus le cheikh a dit que celui qui insulte l'un des sahaba mécroit mais qui peut se repentir, mais qu'il est quand même exécutable. Et également pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui insulte, d'accord, mécroit, mais il peut se repentir et malgré tout on l'exécute. Et comme on l'a expliqué, par le gouverneur. Donc il a dit, le questionneur, si celui qui a dit, qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à un moment d'inattention, ou lors d'une épreuve, cependant, il est toujours musulman. Est-ce qu'il est également exécutable de survivre la potence après qu'il ait soit repenti et qu'il ait regretté ce qu'il a fait? Comme ce fut le hal du compagnon qui est Ka'b ibn Zuhayr radiallahu anhu, qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et son histoire est connue, donc nous voudrions que nous éclairer une clarification sur la question. Voilà la question en gros. فأجاب رحمه الله يقول السائل ذكرتم في بعض دروسكم أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه فإنه يكفر ويقتل والأمر ليس كذلك إنما الصواب أن من سب الرسول هو الذي يكفر. Donc il a dit ce que le questionneur dit que dans un de mes cours j'ai dit que celui qui insulte un des sahaba ou le Nabi صلى الله عليه وسلم mécroit et doit être tué, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et en réalité, c'est juste le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'insulte, mécroit. Amma man sabba ahadan as-sahaba fala yakfur. Lakin law sabba as-sahaba umuman aw sabbahum illa nafaran qalila fa innahu yakfur. Lakin al-kalam al-an wa mawdu' al-ijaba sayakunu 'an sabb ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit maintenant que quelqu'un qui aurait insulté un seul des sahaba, il ne mécroit pas. Cependant, si l'ami insulte les sahaba de façon générale, ou un groupe d'entre eux, même s'ils sont pas nombreux, là, il aura mécru. D'accord? Et là, il parle d'une insulte qui est liée à leur religion. Une insulte qui est liée à leur religion. C'est une chose qu'il a précisé. Il a dit, cependant, la parole, maintenant, le sujet, c'est la réponse concernant le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de l'insulter. فَنَقُولْ إِذَا سَبَّ الرَّسُولْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكْفُرْ سواء كان جادا أو مازحا أو مستهزئا فإنه يكفر لكل الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc celui qui insulte le messager sallallahu alayhi wa sallam, il mécroit, et cela qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante ou qu'il se raille par moquerie, qu'il se moque de lui, il mécroit automatiquement selon la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens où il dit, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Surat, le désaveu, le repentir, versets 65 et 66. لكن زتابا تقبل توباته لقول تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Cependant, si il se repent, alors son repentir est accepté, conformément à la parole d'Allah, dans le sens où il dit « Oh, mes serviteurs qui avaient été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et le miséricordieux. » Az-Zumar, verset 53. لكن هل يسكت عنه القتل؟ Cependant, est-ce que maintenant la sentence de la peine de mort lui est-ce qu'il y échappe? D'accord? Est-ce qu'on l'épargne? Est-ce qu'il est gracié? الجواب هذا فيه تفصيل. La question, il y a un détail dans la question. إن كان الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبه وكافر لم يسلم بعد فإنه لا يقتل لعموم قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Il a dit maintenant, c'est celui qui a fait le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mécréant, et qui n'est pas encore converti à l'islam, d'accord? Alors lui, on ne l'exécute pas. Du fait que Allah, il a dit, dans le sens, dit à ceux qui ont mécru, si jamais vous cessez, il vous sera pardonné ce que vous avez fait auparavant. Al-Anfal, le butin, verset 38. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman et qui ne s'est pas encore converti, on ne le tue pas. Et là, il parle de quelqu'un qui devient musulman par la suite. Un kafir qui a suivi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un pays où la charia est appliquée, alors là, c'est une autre chose. Amma iza kana allazi sabba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam muslima wa irtadda بسبب سبه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القول الراجح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقبل مع قبول توبة أنه يقتل مع قبول توبته أخذا بأثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant à celui qui serait muslim et qui aurait cité le message d'Allah صلى الله عليه وسلم et qui aurait par cela apostasié, alors la parole prépondérante la plus juste, c'est qui fut le choix de Cheikh l'Islam ibn تيمية رحمه الله تعالى, c'est que on l'exécute, mais sa tauba est acceptée. Ça veut dire qu'il sera exécuté, mais il ne mourra pas en tant qu'apostat. Ce serait une sentence comme, par exemple, celui qui aura forniqué, qui est exécuté à mort, il ne meurt pas en étant apostat. Il meurt en étant musulman, mais la sentence, ou comme celui qui aura tué quelqu'un volontairement, le talion qui est exécuté, il meurt, mais cette peine de mort n'implique pas qu'il soit un apostat. قال فإن قال قائل إنه قد يوجد أناس سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم لم يقتلهم. Il a dit, il faut que quelqu'un dise, mais il y a des gens qui ont insulté le message d'Allah صلى الله عليه وسلم avant qu'ils ne se repentissent et n'ont pas été exécutés. قلنا نعم هذا صحيح لكن الحق في القول لمن. Il a dit, cela est vrai, mais ce droit il revient à qui? للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا عفى عنهم في حياته فالحق له إن شاء قتلهم وإن شاء لم يقتلهم. Donc en fait cela revient au Nabi صلى الله عليه وسلم de son vivant, ces gens qui l'ont insulté, c'est lui qui décide s'il aimait leur pardonne ou pas en fait. Donc des gens de son vivant l'ont insulté, leur a pardonné. لكن بعد موته لا نستطيع معرفة إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيعفو عنهم أم لا فإذا كانوا مستحقين للقتل بسببهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حق أدمي ولم نعلم أنه عفى عنهم فإن الواجب قتلهم. Donc maintenant si quelqu'un mérite la peine de mort pour avoir insulté le message d'Allah عليه الصلاة والسلام, car cela c'est le droit d'une personne et qui n'est plus présente et on ne sait pas s'il aurait pardonné, alors le devoir est de les tuer. Et cela répond à des choubouettes que des gens disent, comme Talik Ubro par exemple, qui disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à ceux qui l'ont insulté de son vivant, donc nous aussi on doit pardonner. On dit non, il a pardonné lui, mais après sa mort, on ne sait pas s'il aurait pardonné ou pas. Ce n'est pas à nous de nous avancer et de parler en son nom, on ne sait pas. On ne sait pas comment il aurait réagi. Donc maintenant, on applique le droit, selon l'apparent, qu'il mérite la peine de mort. Ce n'est pas à nous de nous avancer et de dire qu'on doit lui pardonner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas. Qui sommes-nous pour nous permettre d'émettre un jugement de la sorte? On ne sait pas, donc on reste sur la base. Et là, on parle bien, comme on a dit auparavant, que c'est le gouverneur musulman qui applique la chose sur son territoire. ثُمَّ إِنَّ فِي قَتْلِهِمْ مَصْلَحَةً وَهُوَ كَفٌّ عَنْ سِنَةِ غَيْرِهِمْ عَنْ سَبِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et également, de le fait de, dans cette exécution, il y a, cela apporte un intérêt pour autrui, car cela va dissuader d'autres d'agir de la sorte. Si tu vois une personne faire cette chose-là et se faire exécuter, tu verras que d'autres par la suite se calmeront. Et cela est le cas dans beaucoup de péchés qui ont une sentence, comme le vol, comme la fornication, comme insulter l'honneur du musulman et autres, ou boire de l'alcool, ces choses-là. Ces sentences-là, parmi leur intérêt et leur utilité, c'est qu'elles sont une forme de dissuasion pour les autres, ce qui font que le mal va s'amoindrir dans la société. Non, c'est une chose qui est évidente. Amma hum faqad qabila Allah tawbatahum idha kana tawbatuhum nasuha wa amruhum ila Allah wa idha lam yuqtalu al-yawm matu ghadan hadha wa qul rajih fi al-mas'ala. Et quant à ces gens-là, d'accord, qui ont insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait une tauba sincère, alors Allah accepte leur tauba, mais, d'accord, leur affaire revient à Allah. Si jamais on ne tue pas aujourd'hui et qu'ils meurent demain, c'est Allah qui les jugera. Telle est la parole authentique sur la question. Là, il parle de personnes qui ont insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait tauba, mais qui n'ont pas été exécutés. D'accord ? Pour X raisons. Comme par exemple le fait qu'il n'y a pas de gouverneur pour appliquer la peine ou autre. Ces gens-là, si ils ont fait tauba, mais ils meurent par la suite, leur compte revient à Allah Azza wa Jal. Thumma in tayyib. Wa yara ba'd al-ulama annahu idha taba fala tuqbal tawbatuhu wa yuqbal wa yuqtal kafiran. Wa huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad. قال في زاد المستقنع ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله. Et certains ulama comme l'imam Ahmed voient que celui qui insulte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de tauba pour lui, ni celui qui insulte Allah azza wa jal. Et ça, c'est une parole qui est connue chez les Hanabila, les Hanbalites. لكن هذا القول ضعيف لأن الصواب أن توبة مقبولة من متى صدرت على وجه الصحيح. لكن القتل إذا كان سب الله لا يقتل وإن كان قد سب الرسول. Il a dit, mais c'est une parole, cet avis, c'est un avis qui est faible, que son reportier n'est pas accepté. Et en réalité, l'avis qui est authentique, c'est que sa tauba est acceptée. D'accord ? Cependant, s'il insulte Allah Azza wa Jal, on ne le tue pas s'il fait tauba. Mais s'il insulte le messager d'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, il fait tauba, on le tue quand même. وَلَعَلَكُمْ تَتَعَجَّبُونَ فَتَقُولُونَ أَيُّهُمَا أَعْظَمْ سَبُّ اللَّهِ أَمْ سَبْ الرَّسُولِ Sallallahu Alaihi Wasallam. الْجَوَابُ سَبُّ اللَّهِ أَعْظَمْ بِلَا إِشْكَالِ. Il a dit, que vous soyez étonnés en disant, mais comment cela se fait? Qu'est-ce qui est pire, insulter Allah ou insulter le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et il dit, il ne fait aucun doute que insulter Allah est pire. إذن, فلماذا إذا تاب من سب الله قبلنا توبته ولم نقتله وإذا تاب من سب الرسول قبلنا توبته وقتلناه. Donc il dit, comment cela se fait que si quelqu'un insulte Allah qui se repent, on ne le tue pas, on accepte sa tauba? Et si jamais il accepte le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, et qu'il se repent, on accepte sa tauba, on le tue quand même. Alors que le premier est pire. Al-jawab lianna man sabba Allah wa taba, taba Allah alayhi. Wa qad akhbara Allah ta'ala an nafsihi annahu yusqitu haqqahu. Faqala, kul ya ibadiyya allazina asrafu ala anfusihim, la taqnutu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu ghafurur rahim. Fa nahnu na'lam anna Allah ta'ala qad 'afa 'anhu bi tawbatihi 'ala man sabba Allah. Donc on dit, celui qui insulte Allah Azza wa Jal, Allah, et qu'il se repent, Allah accepte son repentir. Donc à ce moment-là, il lui est pardonné. Car Allah en a déjà informé dans plusieurs versets qu'il pardonne à celui qui se repent. Car Allah, il pardonne tous les péchés. Et si la tauba, bien sûr, elle est dans les conditions. D'accord ? S'il n'est pas dans les conditions, nous on prend l'apparent et au Qiyamah, son sort revient à Allah. Donc on sait que Allah lui pardonnera. Si son repentir, il est authentique. Donc on ne le tue pas. أما من سب الرسول فلا نعلم أن الرسول عفى عنه فحينئذ يتعين قتله هذا وجه الفرق بينهما quand à celui qui insulte le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام on ne sait pas si le messager veut lui pardonner, ça c'est son droit qui revient à lui, donc à ce moment là il est du devoir de l'exécuter, d'accord, et ensuite cette exécution sera une expiation pour lui. En fait, toute sentence appliquée en ce bas monde est une expiation de la faute commise. هذا. Donc, comme on ne sait pas, on reste sur la base que insulter le messager, cela est une chose qui amène à la peine de mort. وذهب بعض العلماء إلى أن من سب الله ورسوله ثم تاب قبل توبته لم يقتل. صارت الأقوال في ثلاث في المسألة ثلاثة وأرجحها أن توبته تقبل ويقتل. Et parmi les ulama, certains disent que s'il fait tauba d'avoir insulté Allah et son messager, sa toba à l'exécuter et on n'exécute pas. C'est-à-dire que par rapport au messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait toba, il n'est pas exécuté. Donc on dit que dans le sujet, il y a trois avis. Trois avis. Et le meilleur des avis, c'est que sa toba est acceptée et on l'exécute quand même en ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les trois avis? Premier avis, c'est celui de l'imam Ahmed, qui est que sa toba n'est pas acceptée, on le tue, peine de mort, et qui meurt en étant apostat. Deuxième avis, c'est celui que l'auteur a cité ici, qui est que sa toba est acceptée, et qu'on l'exécute quand même. Troisième avis, c'est que la toba est acceptée, et on ne l'exécute pas. Et le avis qui est le plus fort, selon l'auteur, et qui est l'avis authentique, c'est le deuxième. Que sa toba est acceptée, et qu'on l'exécute quand même, et cela, bien sûr, par l'ordre du gouverneur musulman. هذا الذي أخذنا اليوم من السؤال والحمد لله رب العالمين. Et j'aimerais ajouter ici une faïda qui n'est pas dans ce livre, mais qui est dans le livre de Cheikh Othaymine toujours, dans son charh de Usul fi tafsir, dans les fondements de tafsir, dans son charh à lui, car le livre à la base c'est de lui, et le charh est de lui-même également. Rahmallahu ta'ala. Il dit à propos de ceux qui ont accusé Aïcha, radiallahu anha, d'avoir commis l'adultère, que ces gens-là ont parlé, ils ont fait ce qu'on appelle le kazv. Le kazv, c'est le fait d'accuser quelqu'un de fornication sans avoir rapporté de témoins, quatre témoins qui ont vu clairement l'acte et les alikas. Et sans compter que accuser Aïcha de cela, cela revient à accuser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'est pas possible qu'un prophète se marie qu'une femme qui agisse de la sorte. Donc cela revient à le diffamer lui. Car toute personne, tout homme, à qui on dirait par exemple ta femme, on l'accuse d'être une femme perverse et dévergondée, ça déplaira à son mari, ça c'est une chose qui est évidente, cela touche à son honneur. Donc quel honneur est-il donc plus grand dans, parmi les créatures que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fi qulillahi azza wa jalla, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Dans le sens où Allah dit, ceux qui sont venus avec la calomnie, c'est-à-dire qui ont accusé Aïcha, sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que cela est un mal pour vous. Plutôt, c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il a acquis comme péché. Et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Surat An-Nur, la lumière, verset 11. Et celui, justement, qui s'est chargé de la plus grande part d'entre eux, c'est qui? C'est Abdullah ibn Ubay, qui était le chef des munafiqin. C'est lui qui a fait la pire des choses là-dedans. Et pourtant, quelqu'un dira, subhanallah, et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué la peine sur lui, alors qu'il l'a appliqué sur d'autres. Il l'a appliqué, par exemple, comme le dit l'auteur, ala Hassan ibn Thabit wa Mustah ibn Athaba ou Athatha wa Humna ibn Jahsh. Ces gens-là qui ont contribué à la propagation de cette calomnie. Et pourtant, il ne l'a pas fait sur Abdullah ibn Ubay. Comment cela se fait? Le Shiri dit, awwalan اكتفاء بقول الله تعالى لو عذاب عظيم ولم يقل اجلدوه. Déjà que le Nabi sallam s'est contenté de ce que Allah a déjà promis qu'il aura un châtiment dur dans l'au-delà. C'est-à-dire Allah sait que c'est Abdullah ibn Ubay qui est, on va dire, le propagateur principal de ce mensonge, et il n'a pas dit au Nabi sallam de le flageller, mais il a dit لو عذاب عظيم. ثانيا الحد تطهير وعبد الله بن أبي خبيث ليس أهل تطهير. Deuxièmement, le fait de subir une peine de pour avoir enfreint une loi d'Allah, cela te purifie du péché, c'est-à-dire le péché est expié par cette peine. Et Abdullah ibn Ubay ne méritait pas d'être purifié de la peine. Donc en fait, Allah l'a laissé avec son péché pour qu'il le paye yawm al-qiyama. Pour qu'il le paye yawm al-qiyama. Et quand le thalith an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhib at-ta'lif fala rubbama yahsulu min qawmihi ma la tuhmad 'iqabuhu law qima 'alayhi al-had wa li hadha tarakahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit également que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime que les gens soient unis sur la vérité. Et si Amir avait fait cela sur Abdullah ibn Ubay, cela aurait pu déplaire à des gens, beaucoup de gens. Et cela aurait pu causer un plus grand mal comme une division. Donc, pour l'intérêt général, il l'a laissé également. Afin de nuire les cœurs. Car il y a des gens qui ne savaient pas qui était Abdullah ibn Ubay et l'aimaient. Ils ne savaient pas que c'était un munafiq. Et cela aurait pu causer une chose dans leur cœur. Qu'ils se fassent, qu'ils subissent la sentence. Et surtout pourquoi? Pour le quatrième point que l'auteur va citer justement. An al-khabith Abdullah ibn Ubay ma'akirun mukhadi'a. لم يصرح بهذا الأمر لكنه يجلس في المجالس يقول ما سمعتم شيئا فهو يشير بالحديث ولا يصرح به ومن كان كذلك فإنه لا يحد كعبد الله بن أبي c'était un malin. C'est une personne qui était très vicieuse. Pourquoi? Car il n'a jamais prononcé clairement cette chose-là. Il n'a jamais accusé Aïcha clairement de la chose. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il venait dans les assemblées et il disait, avez-vous entendu ce qui a été dit? Afin de pouvoir exciter, pouvoir provoquer que les gens parlent, se mettent à parler. Et là, les gens se mettent à parler. Donc, en fait, c'est lui qui allumait la mèche, mais il le faisait indirectement. Donc, on ne pouvait pas l'accuser d'avoir dit cela pour qu'il subisse une peine. Ce qui fait que les gens qui avaient un bon soupçon à son égard ne le voyaient pas comme étant munafiq. Donc, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait piqué la peine sur lui, cela aurait pu causer une fitna au sein de la communauté. Donc, il l'a délaissé. D'accord? Donc, voilà la réponse pour dire pourquoi est-ce que certains ont fait du mal au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ont insulté, ont subi une peine, et d'autres non. هذا الذي أردنا من هذه الفائدة والحمد لله رب العالمين.